nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Ce fut en 1978, avec Le Monde selon Garp, que l'écrivain américain John Irving, avec son quatrième roman, devint à 36 ans une star planétaire de la littérature, l'un de ces auteurs que l'on peut compter sur les doigts d'une seule main, qui vendent leurs livres par millions, traduits dans toutes les langues, ou presque. Un auteur qui, en 2002, pouvait déclarer « Je suis devenu un écrivain à plein temps grâce à Garp. J'ai les moyens d'avoir trois assistants qui dactylographient le manuscrit, relisent et me font des recherches de documentation. » 35 ans après le premier coup de maître de John Irving, paraissait en France, à moi seul bien des personnages, son 14e roman, présenté ainsi sur sa 4e de couverture. Dans ce roman, drôle et touchant, jubilatoire et tragique, John Irving nous parle du désir, de la dissimulation et des affres d'une identité sexuelle différente. En avril 2013, John Irving faisait la promotion de son livre dans notre pays. On votait à l'Assemblée nationale le mariage pour tous. Dans les rues de Paris défilait la manif pour tous. Et Caroline Brouet recevait l'écrivain pour le deuxième service de sa grande table sur France Culture. Vous n'aimez pas les filles ? Demanda le lieutenant. Oh si si, j'aime les filles. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire tendance homosexuelle ? J'aime aussi les mecs. Ah oui, vous les préférez aux filles ? Poursuivit-il à haute et intelligible voix. C'est tellement difficile de choisir, lui répondis-je d'un ton extatique. Non, sincèrement, vraiment, j'aime les deux. C'est aujourd'hui, comme on l'a largement entendu, que sera définitivement adoptée à l'Assemblée nationale la loi autorisant le mariage pour les couples de même sexe. Dans cette période d'agitation extrême au cours de laquelle ont été ravivées de vieilles haines et où l'agressivité l'a disputée à l'offense, la littérature fait parfois office d'antidote. À moi seul bien des personnages, 13e roman de John Irving, qui sort ces jours-ci en librairie, traduit par José Camoun et Olivier Grenot, tombe à pic. C'est un plaidoyer pour la tolérance sexuelle. Il raconte sur un demi-siècle d'histoire l'histoire de Billy, alias William Abbott, depuis le temps où jeune garçon bisexuel dans les années 50-60 aux États-Unis, en proie à toutes sortes de désordres amoureux, il était à la fois attiré par la bibliothécaire de son lycée et par un camarade d'école, champion de lutte, et il le raconte jusqu'aux années 2010, quand Billy, devenu un écrivain reconnu de 70 ans, revient dans sa petite ville natale, First Sister, dans le Vermont, pour y enseigner la littérature et rouvrir le club de théâtre que sa famille avait créé. Gageons qu'après Le Monde selon Garp, son plus gros succès, et désormais livre culte, Une prière pour Owen, L'œuvre de Dieu, la part du diable, ou encore L'hôtel New Hampshire, ce nouveau roman de John Irving sera lui aussi un best-seller. Cinéaste. Bonjour John Irving. Bonjour. Et bienvenue à la grande table, bienvenue à vous Xavier Combe, vous allez assurer la traduction simultanée des propos de notre invité aujourd'hui. John Irving, à moi seul bien des personnages, c'est un titre emprunté à un vers de Richard II de Shakespeare. On entendait là la musique Macbeth qui est dans votre livre, Shakespeare est partout dans votre livre. Et c'est un titre que vous empruntez donc à ce vers de Richard II que vous avez également mis en exergue de votre livre, bien que le titre en anglais fût différent, bien sûr. Mais cet exergue est le même. Je joue à moi seul bien des personnages dont nul n'est satisfait. Comment comprendre cet exergue qui est tiré de Richard II de Shakespeare? In a novel about gender identity, sexual identity. Dans un roman qui porte sur l'identité de genre, l'identité sexuelle. In a novel where the point of dans un roman où le personnage qui donne son point de vue est bisexuel, un homme qui commence à vieillir et qui découvre sa bisexualité à l'âge adulte dans les années 50 et 60. La facilité avec laquelle Shakespeare a décrit la mutabilité ou l'évolutivité du genre constitue une source d'embarras pour nous contemporains d'aujourd'hui. Nous nous essayons de trouver des minorités sexuelles qui seraient acceptables à nos yeux. Nous essayons de trouver en nous de la tolérance envers les différences sexuelles. Et ce roman, j'en ai eu l'idée il y a 13 ans. J'ai attendu pratiquement 9 ans avant de commencer à jeter de l'encre sur le papier. C'est généralement la période que je mets pour commencer à écrire. Mais j'ai délibérément choisi de décrire les propos d'une minorité au sein d'une minorité, un homme bisexuel qui, à son époque, et soupçonné, et on se méfie de lui. Non seulement les hétérosexuels, mais les gays se méfient de lui aussi. C'est l'homme bisexuel dont on se méfie. Et à mes yeux, ce n'est pas une coïncidence que les deux personnages les plus importants, donc il y a Billy Abbott, ce bisexuel, les deux personnages les plus importants à ses yeux sont ces deux femmes transgenres qui ont des âges différents, qui viennent de périodes différentes. Il y en a une qu'il rencontre et dont il tombe amoureux, c'est une femme transgenre un peu plus âgée que lui, il est adolescent lui à l'époque. L'autre, c'est vers la fin de sa vie, lorsqu'il a 70 ans. Là, c'est un personnage qui est né garçon, mais qui déteste sa masculinité et qui a toujours voulu être une fille, donc un transgenre en évolution. C'est la perception qu'en a Billy. Et après qu'il ait connu bien des vicissitudes, y compris l'épidémie du sida, la perte de nombreux amis, la perte d'amants, et ainsi de suite, il se rend compte quand même, Billy, qu'il peut apporter quelque chose à cette femme transgenre. Par conséquent, j'ai choisi de rendre les femmes transgenres que je viens de décrire et cet homme bisexuel le point d'attention d'un roman dont le propos est les minorités sexuelles, parce que ces gens-là semblent si isolés, si aliénés de toutes les communautés qu'il fallait que je m'y intéresse. John Irving, au moment où votre personnage, Billy, rencontre ce deuxième personnage transgenre, vers la fin du livre, avez-vous dit, il en rencontre un autre qui est un jeune homme. Et ce jeune homme, on ne va pas dévoiler son identité pour laisser au lecteur le plaisir de le découvrir, mais ce jeune homme vocifère, et c'est les mots qui sont utilisés dans la traduction française, vocifère contre les homosexuels, contre les bi, contre tous les trans. Et il arrive à la fin du livre, comme si vous lui donniez le dernier mot. Et je ne peux m'empêcher de penser, vu l'actualité en France aujourd'hui, ce journal que nous venons de quitter, d'Antoine Mercier, en a fait une large place. Évidemment, la loi va être définitivement adoptée aujourd'hui. Je ne peux m'empêcher, John Irving, de faire un parallèle avec ce qui se passe dans les rues en France aujourd'hui, entre ces vociférations du jeune homme dans votre livre, qui est à la fin, et ce qui se passe en France. De quel œil, vous qui arrivez en France aujourd'hui, regardez-vous ce débat, regardez-vous la résurgence de haine que l'on croyait révolue, et d'ailleurs que votre personnage, Billy, sur 50 ans, croyait lui aussi révolu. It's hard for me to feel confident that arriving here only on Sunday, I can know nearly enough about your sexual politics to even approximate what I know about the sexual politics in the United States. Ce serait bien audacieux de ma part que de formuler le moindre propos sur la situation sociale que vous vivez en France, mais la véhémence de la résistance à ce que la majorité souhaite, la véhémence de la résistance au changement, Eh bien, je la connais, cette véhémence. Cette véhémence, elle remonte dans ma mémoire au mouvement des droits civiques aux États-Unis. Cette véhémence me rappelle la résistance à l'avortement, le droit qu'a une femme de décider de sa propre destinée reproductrice. Donc ça, ça a été réprimé aux États-Unis jusqu'en 1973, mais il y a encore des mouvements visant à faire reculer cela. Donc la véhémence est la même, la colère est la même, telle que je la perçois ici en France. Et en même temps, le mariage pour tous, l'égalité du mariage, comme on dit aux États-Unis, ça progresse. Nous aussi, aux États-Unis, nous avons des gens en colère qui sont anti-homo, qui sont contre l'évolution des droits des homos, alors qu'il s'agit bien de droits civiques et de droits humains. Les minorités sexuelles méritent le même traitement social que les minorités raciales ou religieuses. Mais il y a toujours un retour de bâton lorsqu'il y a changement. S'agissant du mariage pour tous, ce qu'il y a de particulièrement attristant, c'est l'aspect rétrograde de l'Église catholique. Église catholique qui ne représente même pas l'opinion majoritaire de nombreux catholiques pratiquants. C'était un petit peu décourageant pour moi que d'arriver en France dimanche, en plein milieu de ces manifestations, et de voir cette résistance. Néanmoins, il est encourageant de voir que le mariage pour tous est soutenu par la majorité du peuple français. Moi, je ne suis pas surpris par cette animosité. Moi, je voulais que ce personnage, à la fin de mon roman, attende Billy à la fin de l'histoire. Et je voulais que sa colère rappelle à mes lecteurs que les dinosaures homophobes, quoiqu'en voie d'extinction, sont encore très vivants. C'est une façon de répondre comme le fait l'auteur, c'est-à-dire l'homme, John Irving, votre narrateur, quasiment un double littéraire. Il répond de différentes manières dans votre roman à moi seul, bien des personnages. John Irving, il y répond en philosophe, en disant « Tout ce que je peux dire, c'est fichons la paix aux folles. Laissons-les vivre leur vie sans les juger. Nous ne sommes pas leurs supérieurs. Ne les dénigrons pas. » Il y répond en prudent à un autre moment de votre livre. Ou moi, j'écris des romans, puisqu'il est romancier lui-même. Ça ne veut pas dire que je sois aussi pessimiste dans la vraie vie que dans mes livres. Et il y répond une troisième fois plutôt en fataliste. On comptait, comme vous venez de le faire peut-être, on comptait encore quelques athlètes obtus qui peinaient à accepter l'ouverture à la diversité sexuelle vers laquelle nous tendions, des hommes des cavernes, il en restera toujours. À vous seul, vous êtes vous aussi un certain nombre de personnages de votre roman. Est-ce aussi, John Irving, un plaidoyer pour la transparence, votre roman, dans l'idée qu'il vaut mieux dire les choses? Il est porteur, malgré lui, d'un secret sur ses origines, votre personnage Billy. Et quand survient, dans les années 80, l'hécatombe du sida, il écrit « Les femmes découvraient que leur mari fréquentait des hommes au moment même où ils étaient mourants. Des parents apprenaient que leur jeune fils était en train de mourir avant de savoir ou de se douter qu'ils étaient gays. Le mal qui ronge les personnes qui sont victimes de secrets de famille ou de secrets sur leurs origines, c'est aussi au cœur de ce roman, John Irving. I was living in New York in the 1980s. Dans les années 80, je vivais à New York lorsqu'a éclaté cette terrible épidémie. Étant donné que je gravite dans le monde des arts et du théâtre, étant donné que je suis écrivain, j'ai toujours eu autour de moi de nombreux amis homo. Et naïvement, Je pensais connaître tous mes amis gays. Et je pensais que je savais pour qui je devais avoir de l'inquiétude. Je pensais savoir qui je devais appeler pour prendre des nouvelles, pour demander est-ce que ça va, est-ce que tu es malade. Bien entendu, certains de ses amis sont tombés malades, sont morts. Et évidemment, j'ai découvert que j'avais plus d'homosexuels autour de moi que je ne le pensais. J'avais entendu parler d'autres amis qui étaient tombés malades et qui sont morts. Et c'était des gens dont je n'ai jamais pensé qu'ils étaient homosexuels. Et cela m'a fait poser des questions sur moi-même. Je me suis demander pourquoi ces personnes-là n'étaient pas venues me voir pour s'exprimer, pour exprimer leur homosexualité, pour partager leurs problèmes avec moi. Et je pensais être un ami évident parmi eux. Par conséquent, j'étais choqué par moi-même. J'étais choqué de voir que certains de mes amis étaient si peu sûrs de l'identité de leurs propres amis qu'ils n'ont même pas pu révéler leur homosexualité. Et je voulais que mon personnage, Billy, ressente cette culpabilité et qu'il ne soit pas une victime, qu'il ne soit jamais séropositif, qu'il puisse vivre différemment de ses amis. Néanmoins, il est chargé de cette culpabilité du survivant que moi-même j'ai vécu. Et ce roman, je le dédie à trois réalisateurs, Tony Richardson, réalisateur britannique qui est décédé du sida à Los Angeles en 1991, The utter silence for 7 or 8 years. Le silence assourdissant. Reagan's silence on this issue. Du président Reagan pendant 8 ans sur ce sujet, le refus d'évoquer le nom même du SIDA avant sa dernière année de président. Il a été président pendant 8 ans. Ce silence assourdissant reste un acte de négligence envers le peuple américain. Et c'est encore aujourd'hui particulièrement étonnant. Miss Frost m'a certes marqué bien davantage que la bibliothèque elle-même. À ma grande honte, c'est longtemps après notre première rencontre que j'ai appris son prénom. Tout le monde l'appelait Miss Frost. Et le jour où j'ai enfin pris ma carte de lecteur et l'ai vue pour la première fois, je lui ai donné l'âge de ma mère, peut-être un peu moins. Ma tante, femme impérieuse, m'avait dit que Miss Frost avait été superbe. Mais comment aurais-je pu imaginer que Miss Frost ait été plus belle que lors de notre rencontre, moi qui ne manquais pourtant pas d'imagination à cet âge? Ma tante prétendait que les hommes disponibles de la ville tombaient tous à la renverse quand ils la rencontraient. Quand l'un d'eux avait le cran de se présenter, le culot d'annoncer son nom à Miss Frost, la bibliothécaire, encore dans sa splendeur, lui répondait, l'œil polaire et des glaçons dans la voix, « Miss Frost, pas mariée et pas près de l'être ». On vient d'entendre une lecture par Bertrand Suarez-Passos de votre livre, lecture qui vient de paraître sur un CD tout juste paru aux éditions Telem John Irving. On entendait là une première description de Miss Frost qui a un rôle tout particulièrement important dans votre roman. Miss Frost, c'est la bibliothécaire de l'école où se trouve au début du roman, quand il est jeune garçon, adolescent et jeune adulte, Billy, votre personnage principal. Et c'est un personnage extraordinaire qui est pleine de ressources cachées, secrètes, mais qui est pleine de ressources littéraires également, Miss Frost, puisque c'est elle qui fait découvrir la littérature à Billy, en particulier qui lui conseille de lire deux livres qui seront fondateurs pour votre personnage, De grandes espérances de Charles Dickens et La chambre de Giovanni de James Baldwin, qui raconte une histoire pas anodine puisque c'est l'histoire d'un homme qui aime un autre homme. Dans quelle mesure la littérature l'aide et vous aide ensuite, puisqu'elle est une vocation d'écrivain, à devenir écrivain précisément? « Il est difficile de dire que son prend du plaisir à traiter l'épidémie du sida ou à se rappeler cette époque. Mais ce passage que vous décrivez était assez divertissant à écrire. Il y a un personnage qui fait découvrir des livres à Billy. Livre qui lui apporte une éducation sexuelle quant à son identité présente et future, et en même temps, cela lui donne de la confiance en lui dans cette perception qu'il a de lui-même comme écrivain à l'avenir. Miss Frost n'a pas existé dans ma propre vie. Il n'y avait pas de Miss Frost, pas du point de vue sexuel, du moins. Which I, of course, regret. Mon grand regret, d'ailleurs. But I was very lucky in having néanmoins, adults, j'ai in eu my la life grande chance d'être entouré d'adultes who didn't make fun of my desire to become qui a writer, which ne I sont jamais moqués de moi lorsque j'exprimais mon 13, désir 14. D'être écrivain, car j'ai cette vocation depuis l'âge de 13 ou 14 ans. Et mon beau-père, qui était entré dans ma vie bien plus tôt que d'entrer dans la vie de Billy Woods, le personnage du beau-père, eh bien, mon beau-père m'a beaucoup donné beaucoup de choses, il m'a mis beaucoup de choses sous les yeux. La liste n'était pas tout à fait la même que celle des livres que recommande Miss Frost à Billy. Il n'y a pas le même contenu sexuel. Néanmoins, moi, je me souviens de l'exaltation que j'ai ressentie, moi, garçon hétéro, à lire le livre de Baldwin, La Chambre de Giovanni. C'est le premier roman sur une aventure homo que j'ai jamais lue de ma vie. Et je ne savais pas quand j'avais... À l'époque où je l'ai lu, je ne savais pas que James Baldwin était gay. Pour moi, James Baldwin, c'était un Afro-Américain, un écrivain qui traitait les problèmes des droits civiques, de la négritude. Donc, c'était une découverte particulièrement bouleversante pour moi. Et c'était une expérience tout à fait structurante, cette découverte de la littérature gay. Et cela a entraîné un désir de lire d'autres romans d'écrivains gays sur ce sujet. Non pas parce que j'étais homo, mais parce que je voulais écrire sur le sexe, chose que faisaient les écrivains homo et que ne faisaient pas les écrivains hétéros. Et dans votre roman, John Irving, votre narrateur sait que James Baldwin était gay, mais il ne savait pas qu'il était noir. Donc vous renversez aussi les situations, vous jouez beaucoup, de toute façon vous jouez beaucoup avec, et c'est bien le propre de la fiction, avec les éléments autobiographiques et les éléments qui ont une part purement fictionnelle. Est-ce que votre beau-père vous a aussi dit, comme Miss Frost l'a dit à Billy, que pour Madame Bovary, il valait mieux attendre, il vaut mieux attendre, l'heure viendra de lire Madame Bovary, dit Miss Frost à William, quand tu auras vu s'anéantir tes espoirs et tes désirs romantiques, et que tu croiras que l'avenir ne te réserve plus que des relations décevantes, voire destructrices. No, I wish someone had told me that. Ah, ça aurait été bien si quelqu'un m'avait dit ça. I had no such good advice. Non, des conseils aussi bons ne m'ont pas été prodigués. Je crois que la première fois que j'ai lu Madame Bovary, j'étais bien trop jeune. Et en fait, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Pourquoi est-ce qu'une mauvaise relation maritale pourrait m'intéresser? Mais je n'avais pas suffisamment d'expérience pour avoir connu suffisamment de relations décevantes pour savoir que je devrais, au contraire, lire de très près les vicissitudes d'Emma Bovary et de Charles. Et lorsque j'ai relu Madame Bovary à l'université, ce livre est devenu tout à fait important pour moi dans cette sphère de littérature du 19e que j'adore. Mais à mes yeux, Flaubert est un écrivain que j'ai lu trop tôt pour pouvoir l'apprécier. Par conséquent, j'ai été obligé de le relire. Vous avez parlé de Miss Frost, la bibliothécaire de l'école de Billy. Vous nous avez parlé tout à l'heure des deux transsexuels ou transgenres. On va revenir sur ces mots d'ailleurs dans un instant, qui sont au cœur de ce roman. Beaucoup, beaucoup de personnages qui sont très importants. Le grand-père aussi de Billy, qui joue au théâtre et qui aime particulièrement, dans les pièces de Shakespeare en tout cas, se déguiser en femme, c'est-à-dire interpréter les rôles de femmes. Et puis, il y a Hélène. Hélène, c'est l'amie. Hélène, c'est un des personnages les plus discrets, mais semble-t-il les plus importants de ce livre, John Irving. C'est le soutien de toujours, Hélène. C'est un soutien indéfectible. C'est la stabilité. Et pourtant, ils sont de sexe opposé. C'est la stabilité qui est de sexe opposé. Est-ce que ça a un sens ou absolument pas d'y voir un rapport ? Oh, I think that's it's often true that for boys who are gay or bisexual growing up, they have a confidant. They find souvent often their first important d'avoir un confident ou une confidente, mais c'est davantage une confidente, parce que le confident n'est pas aussi digne de confiance. La confidente, c'est une confidente hétéro qui devient une sorte d'acolyte, une amie parmi d'autres petites amies, voyez, pour ce garçon en pleine croissance qui est homo ou bi. Et donc cette confidente apporte une relation très stable, très solide. Cette confidente vous permet de vous livrer beaucoup plus que vous ne le pourriez avec quelqu'un du même sexe. Moi, je connais autour de moi de nombreuses relations comme cela. Par conséquent, Hélène, vous l'avez dit, joue un rôle important dans cette histoire. Par ailleurs, elle joue un rôle important dans le roman parce qu'elle garde le secret le plus longtemps. Donc, le secret de l'identité du grand amour de Billy, mais qui le tourmente. Elle a une relation avec ce garçon, alors que Billy, lui, n'a fait que l'imaginer. Et elle constitue le lien vers ce personnage important et mystérieux. Le père du jeune homme homophobe en colère que l'on rencontre, que rencontre Billy à la fin de l'histoire. C'est Hélène qui lui explique ce que c'est que cette chanson. Elle m'expliqua qu'il s'agissait de l'oratorio Élie, l'œuvre la plus longue de Mendelssohn. Ce bref passage situé vers la fin, après l'arrivée de Dieu, se manifestait dans la voix d'un petit enfant et les bénédictions chantées par les anges à Élie, qui entonnait alors sa dernière aria, car les montagnes s'écarteront. Et c'est ce qu'on vient d'entendre, interprété par Herbert Lippert. J'aimerais, pour les quelques minutes qui nous restent ensemble, John Irving, entrer dans la cuisine de l'écrivain que vous êtes, dans la cuisine du romancier. Ce livre, à moi seul bien des personnages, est écrit au passé. Billy a 70 ans. Il se souvient. C'est donc un regard rétrospectif, qui d'ailleurs fait parfois des incursions dans le présent. Vous dites parfois, mon attirance pour les transsexuels était assez particulière. Désolé, on ne disait pas transgenre à l'époque, on y vient. C'était avant les années 80. Vous jouez sur les temps, mais malgré tout, vous écrivez une histoire qui retrace 50 ans de l'histoire d'un homme et d'une société. Quelle est l'économie d'un tel dispositif littéraire? Est-ce que, par exemple, cela passe par l'évolution du vocabulaire, qui pourrait paraître un détail, mais qui est une réalité? L'apparition du mot genre, l'idée de communiquer, de communauté gay, les écoles privées qui sont devenues indépendantes, ou l'apparition des groupes LGBT, puis plus tard LGBTQ, ou encore le verbe impacter, que là le narrateur déteste de toute façon de tout temps. Est-ce que c'est par ce genre de petits dispositifs que vous arrivez à tenir le temps, 50 ans, dans presque 500 pages, John Irving? It sounds like an excuse. Ça semble être une excuse. I think the principal justification for how long most of my novels are. Mais la justification principale que je peux donner au nombre de pages de la plupart de mes romans, c'est, comme vous le dites, le fait que j'explique le passage du temps. Le passage du temps est aussi important à mes yeux dans la plupart de mes romans que ne l'est tout personnage mineur, parce que le passage du temps nous modifie. Il altère notre identité. Il y a des personnages qui ne changent jamais, même, je dirais même malgré le passage du temps, parce que comme vous le dites, la langue, notamment le vocabulaire sur l'identité sexuelle, est en pleine évolution. Par conséquent, moi j'ai dû me mettre à jour pour être politiquement correct. Ainsi, mon narrateur, Billy, qui est à mon âge, peut être politiquement correct dans son expression. It's hard for me ever to imagine a story. Il est difficile pour moi d'imaginer un récit où il n'y aurait pas le passage du temps. C'est pourquoi je commence toujours par la fin lorsque j'écris. J'en connais plus sur la fin lorsque j'écris que je n'en sais sur le début. Parce qu'il y a cette trajectoire au fil du temps. Is almost the first thing I see. Et ça, c'est pratiquement la première chose que je vois. Many of my endings, et bien souvent, la fin de mes romans, et celui-ci n'est pas une exception, est une répétition de ce qui s'est passé préalablement au cours du récit. Donc des répétitions de dialogue, en l'occurrence. Je termine par par Billy qui dit une chose que lui a dite Miss Frost. Il y a la répétition des bénédictions aux orphelins aussi qui est répétée à la fin d'un autre roman. C'est difficile d'aimer les répétitions, les refrains. Voyez, mais si, évidemment, pour se répéter, il faut savoir ce qui va se passer après, ce qui est mon cas. Moi, je ne me mets jamais à écrire avant de savoir tout ce qui va se passer. Parce que ce passage du temps, c'est là que je commence. À la fin du temps qui passe, c'est là que je démarre et je redémarre en arrière pour pouvoir commencer le récit. Et d'une certaine façon, on retrouve là, John Irving, le théâtre, puisque c'est d'ailleurs grâce à votre mère, qui était également souffleuse, que vous avez pu, quand vous étiez enfant, assister à des répétitions, et vous parlez beaucoup de répétitions, hein, donc vous connaissiez par avance le dénouement des intrigues, et vous vous intéressiez plutôt au déroulement des récits, c'est-à-dire à la façon de savoir comment on peut tenir le public captivé. C'est exactement ce que vous faites avec ce roman formidable, À moi seul, bien des personnages. One day I'll grow up, I'll be a beautiful woman. One day I'll grow up, I'll be a beautiful girl. One day I'll grow up, I'll be a beautiful woman. One day I'll grow up, I'll be a beautiful girl. but for today I am a child. For today. John Irving était l'invité de la grande table de Caroline Brouet pour son roman « À moi seul, bien des personnages », une émission diffusée la première fois le 23 avril 2013 sur France Culture. Réalisation Perret Legras. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr.